Vous oyez la vive voix de loi et des ailleurs. L'antre analphabète de l'agent vert, l'ange parti envers et contre tous, envers de bière des pluies nettes, des vers de terre la plus frette, des vers des cœurs les plus secs. Oui. Bon. Bon. Bien. Non. Pris son sac à souvenirs, puis son paquet de pas si pire pour partir. Monter l'escalier qui mène à l'antre du garage des idées. Mise au point. Point sur la j'en ai margoulette. Ma margoulette escatotopique débosselée pour être repeinte, criée, cirée, polie pour faire après un plus bel accident. Un face-à-face qui fesse sans farce. Une prise de gorge qui agace, mais place les grimaces à bonne place. Mute la masse vers la marge perspicace d'une césure ludique. Inculque la vidange systématique de l'incomplet. Complète-toi dans un beau complet de plaies. Il plaît au paisible d'être une cible. Tant que ça fait pas mal, ça définit. Ça saisit le cri pour le mettre au lit, lui donne un sourcil d'ennui. À pire, on rit. On rit du roi. Ça fait du bien de dévêtir le béni, mais ça n'habille pas l'âme, même pas la carcasse. Prends au riche, tu ne seras que moins pauvre. Le riche a plus qu'une bédaine de bidou. Qu'elle fût engraissée et gavée de gains capiteux, qu'elle soit rentière du clan de la famille tranquille et révolue, génération de paix et d'amour qui se sont signés eux-mêmes une grosse paix pour toujours. Le comte des comptes, à rebours vers les beaux jours d'or, vers l'âge presque vieux mais peut-être mort, elle dérubanera la boîte infâme du butin qui bougonne. Qui dit qu'il n'est pas bâtard, que ses parents s'aimaient, pas m'auriez mis à côté avec leurs à côté. Il est le fruit légitime des labeurs d'une vie, une vie qui dure 75 ans. Plus ou moins quelques ans dans l'océan du temps où l'argent se partage sur 1000 ans d'acharnement. De peau cassée à recoller, cassée et vidée, vidée et pillée. On a volé. On vole. On a volé le sol. Un petit coupure, disait-il. On demande maintenant justice à genoux comme quémandant l'obol à nos idoles en étole. On ostente notre mécontentement, mais ils le filtrent et boivent une mélancolie mathématique. La précision du banquier de l'harpagon marginal. Mais l'on se fout des discours de la bourse. On veut entrer dans la course qui farandole tout azimut la folle dithyrambe aux vénérables qu'on ne vénère pas. Au majestueux qui n'a que faire des facéties, à l'éminence qui n'est pas plus que le moins, la vie, oui, ni, non. J'enfonce plus loin la vis, et me fais un devoir de donner donnant mon avis. Tu me donnes tout ton oui, je rétorque mon oui à l'escatotopie. Quel conte de con qui se compte comme un sourd. L'homme qui a vu l'arme de l'âme de lourd simule la mort et s'invente des jeux où l'on croque la mort et l'on bloque l'aveu. Quel conte qui serait-il d'un pas lourd s'ouvrant sur l'enfance ocre du dur jour. L'orgueil de l'ogre se terre derrière les cieux où l'aube est noire telle une nuit sans feu. Quel conte quelconque qui compte pas ou peu peut-elle plaire à ciel rouge de plaies dégueu? J'abandonne la naissance une seconde. Je me roulerai au retour dans l'amour. Querelle de contre-temps pour l'apôt Géronimo. Comme un conte alentour, concubinant les mots. Presque aussi complice qu'un vice et son vicieux. Le mot de l'enfant finissant comme un dieu. Comme un dieu pour un flirt avec toi.